à tous nos petits joueurs. Bravo aux parents aussi qui nous accompagnent sur ces catégories-là et qui permettent donc à plusieurs équipes de jouer, hein, notamment l'équipe 2 et l'équipe 3. Donc sans ces parents qui nous filent un coup de main, ça aurait été compliqué de pouvoir les emmener en match. En tout cas, merci à eux et bravo donc à nos petits U9. Pour certains, donc qui vont passer un peu en U11 à partir de septembre. Donc voilà. Ensuite, on avait donc un déplacement pour notre équipe une des U11 à Pithiviers, donc pour un match à 10h30. Victoire 2-1 de nos U11. Malheureusement, pas suffisant pour raccrocher la première place, qu'ils avaient perdue la semaine dernière. La saison se termine donc pour eux avec une deuxième place au classement derrière l'équipe de la Gâtinaise. Donc bravo quand même à nos joueurs qui n'ont pas démérité. Je n'ai pas l'interview du coach pour ce match-là. Je vous ferai peut-être un petit résumé juste après. J'ai cependant les réactions de quelques joueurs. Donc on va les écouter tout de suite. Je suis en compagnie de Dieu Merci et Abraham, les deux buteurs sur cette rencontre. Je commence par toi, Dieu Merci. Qu'est-ce que tu as pensé du match aujourd'hui ? Première mi-temps, j'étais pas très réveillée. Deuxième mi-temps, j'ai eu le temps de bien analyser le jeu, de voir est-ce que l'équipe allait faire en deuxième mi-temps. J'ai feinté le goal et j'ai marqué. Tu es content d'avoir marqué le but de la victoire aujourd'hui ? Oui. Et toi, Abraham, tes impressions sur le match aujourd'hui ? Bah, je pense qu'on a très bien joué, mais on a surtout beaucoup plus joué. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a mieux joué qu'en première mi-temps. Et je suis content de mon but. Un petit mot sur votre saison. Vous avez peut-être la possibilité d'arriver premier. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette deuxième partie de saison où vous jouiez en première division ? Bah, je suis content. J'espère qu'on va être premier et que Nevers vont perdre. Et voilà. Donc autour cette fois de Félix et d'Ève. Donc les garçons, victoire aujourd'hui 2-1 face à Pithiviers. Vous avez peut-être la possibilité d'être premier. Un petit bilan sur cette deuxième phase de championnat. Bah, je suis très content parce qu'on a rencontré des équipes de bon niveau. Et du coup, c'est très enrichissant. Ces expériences, je suis très content de mon match. J'ai fait plusieurs arrêts, notamment un sur corner et un autre sur coup franc. Vous étiez tous les deux, j'ai fait des beaux arrêts, donc je suis fier de moi. Okay. Et toi, Dave, qu'est-ce que tu en penses sur ce championnat, cette deuxième phase où vous avez affronté, donc, comme le dit Félix, des très bonnes équipes ? Oui, effectivement, nous avons affronté des bonnes équipes. Par exemple, comme aujourd'hui, nous avons battu Pithiviers. Et je suis fière parce qu'on avait une bonne attaque, notre défense était solide. On s'est un peu relâché en début quand on avait marqué un premier but. Ils nous ont remis un but, sauf qu'après on n'a pas relâché. On a doublé d'efforts, on faisait des petites passes et après l'effort, le réconfort. Donc voilà pour notre équipe 1, donc les buteurs sur cette rencontre, donc Abraham et Dieu Merci. Donc malheureusement notre équipe 1 donc termine deuxième. Hein, le résultat du match qu'on attendait, donc Neuville, nous a été défavorable. Et donc ils se retrouvent à la deuxième place. En tout cas, bravo à eux. Donc c'est effectivement un match sérieux de notre équipe. Donc c'est des matchs un peu plus compliqués à jouer pour eux quand il s'agit de matchs le matin. Ils ont un peu du mal à se mettre dedans, mais ils sont quand même rentrés assez facilement dans le match et malgré l'égalisation de Pithiviers, ils ont su après rebondir et marquer le but de la victoire sur la fin du match. Donc bravo à eux. Samedi matin également, notre équipe 2, donc U11, affrontait Marseille, donc avec une belle victoire, encore une fois, 8-5 pour notre équipe 2. Donc là, on va écouter les impressions du coach Amine. Donc je suis avec Amine, coach de l'équipe 2 des U11, qui se déplaçait aujourd'hui à Marseille. Victoire 8-5 pour nos joueurs. Tes impressions sur le match aujourd'hui ? Oui, comme vous avez dit, une victoire 8-5. Un match avec beaucoup de buts, beaucoup d'occasions aussi. Je pense que si devant on aurait fini, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Mais bon, les joueurs ont très bien joué quand même. Ils ont fait un beau jeu collectif. Le match s'est bien passé, s'est bien déroulé. On était obligé d'y gagner pour conserver notre place. Et c'est ce que les joueurs ont fait. C'était donc le dernier match de la saison. Quel bilan tu peux tirer pour cette équipe 2 ? Concernant le bilan de la saison, on a fait l'objectif de terminer au milieu de tableau. C'était l'objectif, on l'a réalisé. Mais personnellement, je pense qu'on aurait pu aller un peu. On aurait pu gratter 2-3 places encore et jouer le haut du tableau. C'est dommage que l'équipe s'est réveillée un peu trop tard. On a laissé trop de matchs de côté. On a perdu trop de matchs avec des équipes qui étaient à notre niveau. Mais bon, comme j'ai dit, l'objectif a été atteint et c'est le plus important. Et on va voir. On va voir dans les tournois ce qu'ils vont donner. J'espère qu'ils vont continuer sur leur série. Donc voilà pour notre équipe de D11. Donc 8 buts, ça leur fait pas mal de buts sur ces deux derniers matchs. Donc buteur pour cette équipe de, donc on a Fallou, Abdallah, Anes et on a un quintuplé de Léon. Donc bravo les garçons et surtout bravo à toi Léon pour ces 5 buts. Le coach donc Amine était très satisfait de la prestation offensive de ces joueurs sur ces deux derniers matchs. Effectivement, on avait un peu de mal, je pense, sur le début de saison. On n'avait pas forcément trouvé le buteur, celui qui pouvait finir devant. Mais là, je pense qu'avec ces 19 buts marqués en deux matchs, je pense qu'il est tout à fait trouvé. Donc voilà pour les matchs du matin. Donc ensuite, on va continuer avec l'équipe 3 U11 qui se déplaçait à midi à la SPTT. Donc grosse victoire aussi pour l'équipe 3, victoire 9-2. Donc on va écouter tout de suite les impressions de Samantha, donc qui a accompagné notre équipe 3 ce samedi. Donc bonjour Samantha, tu as accompagné aujourd'hui l'équipe 3 à la SPTT. Donc large victoire 9-2 aujourd'hui pour notre équipe 3. Tes impressions sur le match? Effectivement, l'équipe 3 finit par une très grosse victoire à la SPTT. Du coup, ils finissent premier de leur poule, vu qu'on a gagné presque l'intégralité de nos matchs, sauf un seul. Du coup, on reste premier de ce championnat. Bah, très fiers d'eux, puisque du coup, on a pu voir l'évolution tout au long de l'année. Et donc, bah, là, ça récompense tous leurs efforts de l'année. Donc, c'était le dernier match de la saison. Quel bilan tires-tu pour cette équipe 3 ? Le bilan pour cette équipe 3, bah, du coup, il est très bon. On a eu pas mal d'enfants où c'était leur première année de foot dans cette équipe 3. Donc de septembre à décembre, pas mal d'enfants n'étaient pas présents en match le temps qu'ils apprennent effectivement les bases du foot. Et ils ont pu intégrer cette équipe 3 en janvier jusqu'à maintenant pour pouvoir faire tous les matchs. Et du coup, le fait d'attendre comme ça, ça a permis quand même d'avoir une solide ossature au niveau de la défense, où effectivement beaucoup d'enfants veulent tous jouer attaquant, mais il faut quand même une défense. Et c'est ça qui a permis à cette équipe 3 de gagner tous ses matchs tout au long de l'année. Et puis tant mieux, puisque l'année prochaine, ces petits vont attaquer leur deuxième année de foot, et puis c'est que de bon augure pour eux. Voilà. Donc du coup, bonjour, je suis avec Ali, joueur de l'équipe 3, donc U11, qui jouait aujourd'hui contre la SPTT. Donc grosse victoire, 9-2. Qu'as-tu pensé du match, Ali ? Pour moi, c'était un bon match. On avait la possession en première mi-temps. On a construit, on a réussi à marquer. On a marqué 4 buts en première mi-temps. Moi, ils n'étaient pas encore à jouer. C'était à la deuxième mi-temps où j'ai commencé à jouer. Après, à deuxième mi-temps, on avait encore la possession. Un peu moins. On a marqué 5 buts et l'adversaire 2 buts. Du coup, c'est là où il y a eu 8-9-2. Et du coup, là, c'était le dernier match du coup pour l'équipe 3. Qu'as-tu pensé de cette année à l'Union ? Pour moi, c'était une bonne année. On a bien rigolé. Et du coup, tu vas rester à l'Union l'année prochaine ? Je sais pas. Ah bon, tu nous quittes. En fait, j'hésite entre le judo et l'union. Ah bon, on espère que tu resteras avec nous au foot. Merci Ali. Donc voilà pour notre équipe 3. Donc on avait en buteur donc 9 buts à énoncer. Donc on avait Anès, Lucas qui nous met un doublé. On a Yanis aussi également buteur. Youssef 2 buts. Evan 1 but. Et on a eu un contre son camp d'un joueur de la SPTT. Donc voilà pour notre équipe 3 qui, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, enfin comme Samantha, la coach, l'a évoqué tout à l'heure, qui finissent premier au classement avec que des victoires et une défaite. Donc voilà pour eux. Je remercie aussi également donc Samantha qui donc a fait les interviews de notre joueur Ali, donc notre défenseur, et encore une fois merci aux parents pareil qui accompagnent et qui nous permettent notamment quand on a nos 3 équipes qui jouent à l'extérieur de pouvoir emmener tous les enfants. C'est pas toujours évident, mais en tout cas merci à eux. Donc on fait une petite pause musicale avant d'attaquer les matchs suivants, donc les matchs avec nos U17, nos U19 et nos seniors. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. deviné adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Vous êtes bien sûr 100% Union, l'émission consacrée à l'Union portugaise. Donc on poursuit notre tour des résultats de ce week-end avec le match qui se suivait donc à Pithiviers. Encore un petit déplacement, un assez long déplacement pour nos joueurs qui affrontaient donc l'équipe locale. Et résultat final de partout pour nos U17. Donc on va écouter tout de suite les impressions du coach Federico. Donc, je suis en compagnie de Federico, le coach des U17. Match nul de 2 face à Pithiviers. Qu'est-ce que tu as pensé du match aujourd'hui de nos jeunes? Globalement, c'était assez satisfaisant. Après, on était en manque de joueurs. Sur la première mi-temps, c'était pas trop ça. Il y avait beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'erreurs techniques. Après, je les ai un peu redressés à la deuxième mi-temps. Et ça s'est vu, parce qu'après, directement, on perdait 2-0. Et à la deuxième mi-temps, on a réussi à marquer 2-2. Après, on a eu quand même pas mal d'occasions, mais on n'a pas pu finir. Mais ça va, je suis satisfait un peu. Donc, c'était le dernier match de la saison. Un petit bilan, on en avait déjà parlé en direct à la radio, mais un petit bilan là sur l'ensemble de la saison, en tout cas à partir de votre arrivée au mois de mars. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, je trouve que globalement, c'est satisfaisant. Parce qu'on est arrivé comme vous avez dit, en mars, donc ça a été un peu compliqué de restaurer un peu l'équipe, de mettre un peu nos tactiques en jeu. Après, on va travailler ça sur la prochaine saison et je trouve que ça va, ça aurait pu être pire. Ok, merci Federico. Merci. Donc voilà pour nos U17, donc match nul de 2. Le buteur donc qui a inscrit un doublé, donc c'est Sikou. Bravo Sikou donc pour ton doublé. Et donc nos U17 terminent cette deuxième phase donc en départemental 1 à la sixième place. Donc sixième place sur 8. Donc c'est comme l'a dit le coach, c'est assez satisfaisant dans l'ensemble, même si on peut évidemment regretter quelques points perdus, notamment contre des équipes qui étaient un peu plus faibles. En tout cas, bravo à nos jeunes. Et donc on poursuit donc le dernier match de ce samedi qui avait lieu cette fois à Villemandeur. Donc c'était le match décisif pour définir donc le champion de la poule, le champion de la division je vais me reprendre. Donc le champion pour l'équipe des U19, donc pour ce qui était du niveau 1, donc des U19. Donc malheureusement, match nul pour nos U19, donc ce qui n'a pas suffi à accrocher la première place. Donc il termine à une honorable deuxième place, mais pas suffisant pour être champion. On écoute tout de suite les impressions du coach Xavier suite à ce match nul un partout. Bonsoir Xavier. Donc match nul un partout face à cette équipe de Mandoré. Ça n'aura donc pas été suffisant pour amener le titre de champion. Vos impressions sur ce match aujourd'hui? Alors les impressions, on savait tous que ça allait être un match très important qui allait donner le futur vainqueur de la division. Donc on a essayé nous de rester focalisés sur le match et son résultat. De faire abstraction par contre de toute l'hostilité qui a été manifeste durant toute la rencontre envers nous joueurs et également de par l'arbitre. Mais bon, voilà, on était focus dans notre match et vraiment bravo aux joueurs parce qu'ils ont subi des conditions peu évidentes qui montrent vraiment leur force de caractère. Puisque en plus d'être restés concentrés sur le match, ils ont réussi à prendre l'avantage dans cette rencontre. Le seul petit bémol qu'il y a eu, c'est qu'on nous a donc en menant 1-0, on n'a pas réussi à breaker. Et du coup, on était toujours à un but de l'égalisation qui allait donner le titre à Mandoré. Donc malheureusement, ce but est intervenu à 5 minutes de la fin. On a malgré tout, dans les 5 dernières minutes, 2 occasions, je crois, qui n'ont pas été terminées. Donc fin du match 1-1. Donc malheureusement, on sera pas champion en U19 de Division 1. Et donc après ce dernier match, quel bilan tirez-vous de cette saison pour nos U19? Alors quel bilan? Alors le bilan est plutôt, personnellement je trouve que le bilan est plutôt bon. C'était une première année qu'on faisait des U19 depuis un petit moment déjà à l'Union Portugaise. On a su créer un groupe qui était pour la plupart d'ailleurs beaucoup du 18 et pas de U19. Mais voilà, au départ on était, on va dire avec dans un groupe avec beaucoup d'équipes qui sont en élite actuellement. On n'était pas au niveau, on va pas se mentir, on n'était pas du tout au niveau lors des 2-3 premiers mois. Puis on s'est mis au niveau, on a commencé par le travail, par les entraînements. On a commencé à faire des coups, et notamment en coupe, on a éliminé l'actuel champion U19 élite, entre autres, et celui qui avait gagné la première phase. Donc voilà, donc on a fait quand même quelques coups, on a su élever notre niveau contre des grosses équipes en milieu de saison, et puis bah voilà, après lors de cette seconde phase, on a malheureusement joué le titre jusqu'au bout, et voilà, donc tout ce qu'on peut regretter c'est nos matchs à l'extérieur, puisqu'on n'a pas gagné une seule fois à l'extérieur. Et alors qu'on fait par contre un carton plein à domicile avec que des victoires. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Peut-être l'aspect mental à l'extérieur, faire abstraction un peu à l'image de notre dernier match à Mandoré, faire abstraction de tout ce qui se passe aux alentours pour vraiment se focaliser que sur un résultat. Donc voilà, mais je reste vraiment confiant pour la suite parce que... Voilà, il y a encore beaucoup de jeunesse dans l'équipe qui a rencontré Mandoré et avec notamment 3 U17. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est rassurant pour la suite. Et puis bah voilà, il va y avoir une nouvelle saison, de nouvelles ambitions, etc. Donc on pourrait très bien prendre notre revanche de l'année prochaine. Donc voilà pour nos U19. Donc il termine donc à la deuxième place, à 2 points de Mandoré, donc qui est champion de cette division. Donc le buteur pour cette rencontre c'est Walid, but qui n'a pas suffi donc à remporter ce championnat. On a pu assister samedi à la déception des joueurs hein, qui ont quand même tout donné pour essayer de ramener les 3 points. Ça n'a pas été possible. Puis comme le dit le coach, les conditions n'étaient pas tout à fait évidentes pour eux. En tout cas, bravo pour leur parcours. Ils ont fait un très beau parcours. Et puis, bah, comme dit Xavier, on espère l'année prochaine une revanche et une victoire. Avant de passer au match de dimanche, je tenais aussi à remercier donc particulièrement Sébastien qui a pu permettre le déplacement de nos U17 à Pithiviers. Et donc pareil pour Samantha avec les U19 à Villemandeur. Donc voilà, merci à eux et encore une fois, merci à tous les parents qui nous accompagnent tous les week-ends, qui permettent à toutes nos équipes, qui sont assez nombreuses cette année, de pouvoir participer à tous ces matchs, tous ces week-ends. Donc là, on était vraiment sur les catégories jeunes qui ont vraiment terminé les saisons. Donc ça sera fini pour les matchs de championnat. Il nous restera cependant quelques tournois pour nos équipes jeunes et donc les entraînements eux se poursuivent encore jusqu'à la fin de la saison, donc certainement jusqu'à la fin juin. Donc voilà pour ce qui était de nos jeunes. Donc on fait une petite pause musicale et on terminera donc le tour des matchs du week-end avec notre match des seniors qui se passait donc hier. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr.

Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Vous êtes bien donc sur Arc-en-Ciel, 96.2, 100% FM, comme tous les lundis, de 18h à 19h. Donc on va pouvoir terminer notre tour des résultats du week-end avec le dernier match donc, qui avait lieu hier après-midi pour nos seniors, donc, qui affrontaient l'équipe de Chingy-Saint-Y. Belle victoire donc, pour nos seniors, 5-1. Donc on va écouter tout de suite les impressions du coach David sur ce bon résultat pour nos seniors. Oui, encore un match qu'il ne fallait pas perdre, un match qu'il fallait absolument gagner pour espérer ne pas descendre, pour être sûr de se maintenir, donc chose faite, hein, victoire 5-1. Un match un peu comme le week-end dernier, on domine, on a des occasions franches dans la première demi-heure, un poteau, un face-à-face raté, et on se prend une contre-attaque, donc on perd 1-0, on vient rapidement un but partout à la mi-temps, malgré une grosse domination de notre part. Une deuxième mi-temps qui commence un peu comme la première, et on se prend un carton rouge d'entrée, qui nous fait douter un petit peu, mais heureusement une belle réaction des garçons qui marquent 5 minutes après sur un corner, et après, ça fait mal à Chingy. On marque un troisième but, 3-1. Ils sont également réduits à 10 contre 10. Et là, physiquement, on était supérieurs à eux. Et on finit d'une belle manière, 5-1. Donc voilà, faut qu'on gagne absolument ce dernier match contre Saint-Jean-le-Blanc. Et on sera sûr d'être maintenu. Donc voilà pour nos seniors, pour leur match de dimanche. Donc avec... un triplé de Chaïd, un but de Zoumana et un but de Kevin. Donc bravo les garçons pour cette victoire qui donc nous permet donc d'accrocher la sixième place donc à égalité avec le club de Malesherbes. Donc effectivement, comme l'a dit le coach, la victoire la semaine prochaine contre Saint-Jean-de-Bon donc est donc impérative. Voilà pour nos résultats de ce week-end. Donc encore une fois, je remercie tous les bénévoles qui tous les week-ends sont avec nous, donc notamment pour accompagner donc les plus jeunes quand ils ont besoin d'être accompagnés en voiture, mais aussi également les dirigeants et bénévoles qui nous aident pour tout ce qui est de l'arbitrage quand on se déplace aussi à l'extérieur. Donc en tout cas, bravo à eux, merci à eux et donc voilà pour nos résultats. Donc en fin d'émission, on abordera le calendrier du week-end prochain. Donc sachant qu'on n'a plus que nos équipes seniors en jeu, ça sera un calendrier beaucoup plus light. Donc on abordera les petites informations également de ce qui va se passer cette semaine donc sur nos terrains. Et puis comme d'habitude, on aura les anniversaires de la semaine qui arrive. Donc on refait une petite pause musicale et puis je vous retrouve tout de suite avec les dernières infos pour la semaine qui commence donc aujourd'hui. Pensador já é de casa. Esquece tudo, vai levar e libertar teu céu. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vã. O tempo voa do berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mão e segue o teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a profissão. Diz aí, meu irmão. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço questão. Como a minha alma me pede, minhas medidas na vida não é o mundo que mede. Já fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim. Tirei a corda do pescoço e fiz um laço pra mim. Com esse laço, lacei uma paixão que voava. Me apaixonei pela vida e pelo que ela me dava. Então voei, viajei, pus o mundo na minha sola. E é giro como eu giro o mundo a cada passo enquanto a vida rola. Rola a bola, rumo à meta, transpiro, sou um atleta. Inspiro, sou um poeta e sou tudo o que eu quero ser. Não paro porque a vida é feito andar de bicicleta. E respirar não é preciso, é preciso viver. Tudo vai levar e libertar teu céu. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivo sem vão. O tempo voa do berço até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue o teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a profissão. Diz aí, meu irmão. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço só praias de unicidades daquelas. Eu rimo em português, é como eu sinto e confesso. Até podia fazer mais vida, mas cenas destas não tem preço. Quero ter os meus bros perto, isso é certo em mim, esperto. Fazer da minha vida um beat, seja o que Deus quiser. Living a vida louca, só mais uma, ninguém nota. Ter os meus palcos em família, tudo boa onda. Não sou de modas, quero pôr a cena toda à roda e encontrar todos os dias uma gata nova. Está tudo a falar de crise, difícil entrar no biz. Não, não ponho as culpas, desculpas, desculpas, please, please. Esquece tudo, vem a vibe, liberta a tensão. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivemos em vão. O tempo voa de peso até o caixão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, yeah. Segue o teu coração. Se o que importa é o lidar e não a confusão. Ação é reação. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço questão. Eu não faço questão, não. Mas pronto, o trabalho das 9 às 5 para pagar as contas. São rotinas, não são sinas, onde estejas nas tintas. Vivo os teus sonhos sem mentiras, tanta lenas entre linhas. Mereces mais do que tens. Eu sei que a vida está difícil, ok. Só não percas o sorriso, gasta tempo contigo. Guarda tempo à família, guarda tempo para os amigos. Então sai disso, ouviste e pensa um pouco. Que a vida é boa demais para só viver e pronto. Ponto final, não há lições de moral. Tenta ser mais tu por ti, tenta ser especial. Esquece tudo, vem levar. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivemos em vão. O tempo voa do berço até o caixão, irmão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, yeah. Segue o teu coração. Se o que importa é o lidar e não a construção. Diz aí então. Eu não faço questão, não, não, não. Eu não faço questão, não. Eu não faço questão. Vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel 96.2, 100% Union, l'émission dédiée à l'Union portugaise. Toutes les informations que vous avez besoin de savoir, c'est sur Arc-en-Ciel tous les lundis à la même heure, donc de 18h à 19h. Donc on a fait précédemment donc le tour des résultats du week-end. On va donc aborder la semaine qui arrive, donc une courte semaine avec donc ce jeudi férié, donc ce jeudi de l'Ascension et je pense un long week-end pour beaucoup d'entre nous. Donc au programme, les entraînements donc continuent, hein, même si les compétitions pour les jeunes sont terminées, enfin sont officiellement terminées depuis ce week-end. Donc les entraînements se maintiennent. Donc on termine ce mois de mai, enfin en tout cas jusqu'à mardi sur les catégories habituelles. Donc on a prévu à partir de la semaine suivante, donc à partir du 31, que chaque licencié donc intègre déjà la catégorie dont il fera partie la saison prochaine, afin de commencer d'ores et déjà à s'habituer, et notamment pour les catégories où il y a un changement de taille de terrain, notamment entre les U9 et les U11 et entre les U13 et les U15. Donc voilà, donc vous en serez évidemment bien évidemment informés par vos coachs respectifs. Et donc voilà, donc en parallèle on prépare donc également la saison qui arrive, hein, donc dès le mois d'août pour nos seniors. Donc évidemment les matchs vont commencer avec cette Coupe du Monde du Qatar en mois de décembre, donc les calendriers s'en retrouvent perturbés, donc commenceront donc leur saison bien plus tôt que d'habitude. Donc on commence un peu à préparer cette saison 2022-2023. Donc toujours, hein, si vous avez, si vous êtes intéressé dans le coaching, vous avez possibilité donc de nous contacter via la radio si vous voulez, mais également par le biais des réseaux sociaux, donc sur Facebook, Union Portugaise d'Orléans, ou sur Instagram. Et toujours possibilité de nous retrouver donc à Lillaro les mardis de 18h à 21h30 et les jeudis pareil. Donc après les week-ends en fonction des matchs, on est donc soit à l'extérieur, soit à domicile. Donc pareil, si vous avez des questions, si vous voulez venir voir comment ça se passe avant de avant de prendre une décision, c'est aussi possible. On vous recevra et puis on vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc on cherche activement un coach pour une création d'équipe U14 l'année prochaine. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis toujours pour les autres catégories, si on a toujours besoin de bénévoles et de gens qui peuvent nous aider dans l'encadrement de nos jeunes. Donc voilà pour l'annonce de nos recherches pour l'année prochaine. Donc également, comme on l'avait déjà évoqué, pour la saison prochaine, donc les réinscriptions commenceront avant les vacances scolaires, donc probablement dès la mi-juin, nous pourrons commencer notre session de réinscription, donc à savoir qu'on aura à partir de la saison prochaine un jogging obligatoire avec la licence. Donc effectivement, ça va un peu modifier nos tarifs, mais en tout cas, on aura au moins la possibilité de s'identifier assez facilement ou d'être identifié assez facilement dès qu'on arrive chez nos adversaires. Donc voilà pour les grosses infos, en tout cas pour la saison prochaine. Si vous avez envie d'essayer le foot ou si vous voulez inscrire votre enfant, on organise à partir du mois de juin des entraînements portes ouvertes. Donc n'hésitez pas à suivre toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Vous aurez les dates exactes pour ces portes ouvertes et donc à la suite de ces portes ouvertes, possibilité de faire une inscription, une pré-inscription pour les joueurs qui le souhaitent, en tout cas les futurs joueurs qui le souhaitent. Donc à savoir que pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir faire une licence, il faut que les enfants aient 5 ans, en tout cas jusqu'au mois de décembre. Donc à partir de 5 ans, et on n'a pas de limite d'âge pour nos seniors, évidemment. Après, il faut pouvoir être en forme et pouvoir assurer derrière. Donc voilà. Donc si vous voulez d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à nous joindre et puis on vous donnera toutes les infos qu'il faut. Donc ensuite, là pour cette fin de saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quelques tournois donc qui sont déjà prévus donc pour certaines de nos équipes. Donc on aura notamment des équipes présentes au tournoi d'Orme fin juin et pareil des équipes présentes au tournoi de Saint-Denis-en-Val, donc pareil sur le même week-end, le dernier week-end du mois de juin. Autrement, comme on en a déjà parlé suffisamment, je pense, un tournoi en Vendée pour notre équipe U11, donc le week-end du 17. Donc voilà pour les grosses informations de la fin de saison. Donc effectivement, un peu moins de matchs à partir de la semaine prochaine que nos seniors qui seront sur les terrains. Nos équipes jeunes donc continuent les entraînements, auront donc quelques tournois, quelques matchs amicaux organisés. Mais en tout cas, nous, on est toujours là pour répondre à vos questions. Donc, pour ce qui est des inscriptions, des réinscriptions, mais également si des jeunes aussi sont intéressés dans le coaching, n'hésitez pas. On a toujours possibilité de vous faire passer des formations ou après de faire aussi des formations en interne. Donc voilà pour les infos, surtout pour cette semaine. Donc pas d'entraînement le jeudi de l'Ascension, jeudi férié, donc pas d'entraînement. Donc les entraînements reprendront dès le mardi suivant. Donc voilà pour les quelques informations pour cette semaine. Par la même occasion, je tiens aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à remercier tous nos bénévoles, également remercier tous nos partenaires, sans qui on n'aurait pas de si beau maillot, en tout cas que toutes nos équipes soient aux mêmes couleurs. Donc en tout cas, merci à eux. Et évidemment, si vous voulez faire partie aussi de l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter, donc ne serait-ce que pour participer à de la publicité. Enfin, on peut toujours s'arranger. Donc voilà. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec le calendrier assez soft pour la semaine prochaine et ainsi que les anniversaires. bend, in a bend, taking a crush out of the rush hour, scandalous MC. Lock, stock and gridlock, the roads are just absolutely trapping, trapping. But remember, don't go around the South Circular, because otherwise you're just gonna be stuck. And if you are stuck, here's one for you. It's called Walking Away by Craig Day, Craig Day, Craig Day. If this one doesn't make you chill, I really don't know what will. Vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union, comme tous les lundis de 18h à 19h. Donc avant de passer au programme du week-end qui arrive, on va souhaiter les anniversaires. Donc je souhaite un joyeux anniversaire donc aujourd'hui même à Enzo, joueur senior. Le 26, nous fêterons aussi l'anniversaire de Guy Patrick, donc un joueur U17, mais qui joue aussi en U19. Donc c'était le gardien ce samedi pour le match des U19. Le 28, ça sera l'anniversaire de Chaïd, donc notre joueur senior, mais aussi coach U13. Et enfin, dimanche, nous fêterons l'anniversaire de notre président, Monsieur Pinto José. Donc bon, même si on souhaite pas les anniversaires un peu en avance, en tout cas. On le salue chaleureusement, notre président. Et n'oubliez pas également donc ce dimanche la fête des mères. Donc n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes vos mamans. Donc voilà pour nos anniversaires. Pour les matchs du week-end, donc c'est ça va être assez rapide. Hein, nous avons que deux matchs. Donc le dernier match pour notre équipe 2 qui va affronter donc Pathé ce dimanche à 12h30. Sera suivi le match de nos seniors équipe 1 face à Saint-Jean-de-Blanc, donc match à 15h. Donc n'hésitez pas, en espérant une belle météo, venez nombreux encourager donc nos seniors. Donc notre équipe 2 malheureusement ne peut plus monter, hein, même si elle va affronter les premiers. Donc on espère en tout cas une victoire, hein, qui je pense leur permettra de finir la saison sur une bonne note. Et par contre, match assez important pour notre équipe 1 pour se mettre rapidement à l'abri d'une descente, a besoin de gagner tous ses matchs. Donc voilà pour le programme du week-end prochain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les entraînements auront lieu donc cette semaine que mardi. Hein, jeudi étant férié, nous n'aurons pas d'entraînement. Que dire de plus ? Oui, proposer aussi donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si des parents veulent inscrire leur enfant, donc à partir de 5 ans, n'hésitez pas, on peut vous donner toutes les informations, les horaires d'entraînement, donc n'hésitez pas à nous contacter soit sur le Facebook, soit sur l'Instagram de l'Union Portugaise. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Pas de programme après pour Manu on the Rock, qui sera pas là aujourd'hui, mais vous aurez un peu plus tard la rédac du sport avec Rémi, donc qui lui reviendra sur tous les résultats sportifs du week-end, un titre plus général. Donc j'imagine qu'il abordera les résultats des derniers matchs importants de championnat, donc avant les vacances aussi pour les championnats principaux et les grandes équipes aussi également, donc avant la reprise des sélections, donc notamment avec la Ligue des Nations. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine autour des terrains, en espérant vous y voir dès mardi pour ceux qui viennent à l'entraînement, les autres dimanches pour venir encourager nos seniors, et puis pour ceux qui voudraient passer à l'Union, n'hésitez pas, le président vous attend au Faubourg Saint-Vincent, comme d'habitude, du mardi au dimanche. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Ganhar e mesmo sem ver.